Il n'était pas bien tard, mais je souhaitais débarquer à l'appartement avant Madame Roberts, afin de la recevoir en grande pompe. Je filai à la supérette, remplis un caddie, m'arrêtai au tabac pour acheter des Marlboro et courus jusqu'à la maison. En entrant, je la vis, elle m'attendait, assis en tailleur devant la télé, toujours ce beau sourire sur les lèvres, et j'avais déjà tout oublié de la veille, les achats compulsifs, le vol du sac, notre première bagarre. Même la manche avec Momo, sur les marches du centre social. Déjà, c'était loin tout ça. Des conneries que les gens raconteraient dans mon dos, plus tard, d'ici un siècle, pour habiller la médisance. En attendant, nous allions ripailler, faire bombance. Regardez, j'ai pris un petit vin de pays qui devrait bien se boire, à n'en pas douter. Elle me montra, en se moquant d'elle-même, un petit sandwich au jambon qu'elle avait gardé pour moi, au cas où. Mais non. Pas un instant, elle ne douta de mon arrivée triomphale. Et elle me remerciait pour les clopes. C'est gentil d'y avoir pensé. Vous qui êtes mon fumeur. Je crois qu'elle ne fit pas attention aux fringues que je portais. Le pantalon de velours vert à grosses côtes qui gueulait la misère. Et la casquette que j'avais oublié de rendre à Momo, penchée sur l'oreille comme un apache de la belle époque. J'ai croisé la concierge, me dit-elle, la voix douce. Elle m'a regardé d'un mauvais œil. Oui, moi aussi. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais on dirait qu'elle nous en veut. Faut dire aussi que tout ce travail, chaque jour, sans jamais recevoir de salaire, bah à la longue, ça doit taper sur le système, non? La soirée fut très calme. Après avoir mangé puis desservi la table, Madame Roberts ne cessa de parler, le regard plein de projecteurs fixés sur demain. Et moi je l'écoutais en religion, comme on écoute un prêche à l'église. J'avais abandonné tout espoir de connaître sa vie, et aussi de lui faire connaître la mienne. À chaque tentative, j'avais l'impression que nos mots se croisaient sans se regarder, qu'ils n'étaient pas faits pour se plaire. Elle disait en longues phrases comment on serait bientôt récupéré ce que son ami lui avait volé. Oui, elle en était sûre. C'était elle qui lui avait volé son sac. Elle ne porterait pas plainte à la gendarmerie, car les preuves manquaient. Mais elle avait encore des copains sur lesquels compter, des gars solides qui l'aideraient. Ensuite, elle se transporta jusqu'à Messy-Palisson, une commune de 158 habitants, à 10 kilomètres de la mer, où elle envisageait prochainement d'acheter un terrain. Là-bas, on les avait pour presque rien. Un terrain non constructible, mais sur lequel on pourrait installer une caravane ou un mobil-home. Elle allait y cultiver un potager bio avec des choux, des navets, des carottes, des tomates et plus encore. Pas pour revendre, non. Pour atteindre une autonomie alimentaire. Faire la nique aux grandes surfaces qui vendent hors de prix des légumes immangeables venus de Moldavie. Si ça vous tente, monsieur Campagne, je vous ferai une petite place. Vous n'aurez qu'à trouver un mobile homme. La proposition aurait été alléchante sans ce regard brillant qui fixait le mur derrière moi et me criait « Attention, danger !» J'essayais de ramener le débat, sans y croire, vers plus de réalisme. Dire que l'hiver était rude par chez nous, a fortiori dans une caravane posée sur un terrain isolé, sans doute très loin de tout, propice au cambriolage. À ces mots, elle eut un petit éclair de lucidité dans le regard qu'elle tourna vers moi. Puis, avec un large sourire, elle m'assura que Madame Ronski, notre fausse concierge, ne refuserait pas, si on lui demandait poliment, un gardiennage à Messy-Palisson. Alors, comment résister, hein, à tant de joyeuses folies communicatives? Nous avons encore bu du café, fini la bouteille de vin de pays, et refait le monde en rire bruyant. Je vécus la soirée comme une trêve, une plage de sable blanc sur laquelle nous bâtissions des châteaux fragiles. Après, je ne sais plus. Je suppose que chacun est rentré chez soi, elle sous sa couette, moi sous la mienne. Chacun dans ses rêves, les siens planant au-dessus d'un mobile homme, essayant peut-être, avec le renfort de ses poteaux, d'échapper à l'encerclement d'une dinguerie aussi agressive que celle qui tua Zizou. Une dinguerie faite d'insomnie, de Prozac, de dépression profonde et d'anonymes de Quink mal guéris. Les miens, au cœur d'une histoire d'amour improbable, mais plus obstinée qu'un clébard en chasse. Madame Roberts voyageait loin et dangereusement. Je restais embourbé, muet, dans l'attente d'une corde. À présent, puisque ma mémoire est dyslexique, je veux revenir sur cette période dont j'ignore la durée, dont j'ai gardé plus de mauvais que de bons, qui sans doute me parut très longue, mais ne dura pas plus de quelques semaines. Ce fut un parcours chaotique, plein d'embûches et de traquenards, de cris et de fureurs explosives qui montaient en puissance, jour après jour, sans aucun répit. Pas un moyen de souffler, de reprendre des forces. Impuissant à freiner l'allure, les yeux grands ouverts sur le désastre annoncé. À la ramasse bientôt. En voiture pour Dunk City. Faut du courage pour écrire les mots, et de la souffrance et des regrets. Un gros paquet de regrets, parce que c'est pas comme au cinéma. T'as qu'une prise et peu de chance au montage, et pour que tes gesticulations impriment une mémoire, faut la jouer fine, sinon tout finit à la poubelle, se décompose comme un cadavre, devient charogne. Saleté de souvenirs. J'ai presque toujours l'impression, très souvent agréable, que chaque journée ressemblait aux précédentes, que rien ne changerait vraiment, que cela durerait encore et toujours, mais c'était à l'heure. La dinguerie était à l'œuvre, lente, corrosive. Des deux côtés. L'une se nourrissant de l'autre et réciproquement. J'étais en permanence écartelé entre l'ineffable bonheur d'être auprès d'elle et la certitude douloureuse que rien ne pourrait nous rapprocher jamais. Pire, il me venait parfois des envies de cogner, de démolir à coups de poing la gentille frimousse de mon petit moineau, de l'effacer. C'est comme je le dis, et j'en suis peu fier. Et la honte me vient, m'étouffe. Au cours de ces quelques semaines, M. Maréchal n'est pas venu sonner à la porte une seule fois pour s'excuser d'un vacarme inexistant, et à sa décharge, il ne sonna pas non plus pour me demander d'arrêter un autre vacarme, bien réel celui-ci, un vacarme qui venait de chez nous. Une sacrée partition due au forté. Un soir, elle me demanda de lire les quelques feuillets noircis qui dormaient dans un tiroir de ma table depuis longtemps. Elle voulait savoir, dit-elle, où j'en étais de mes histoires sans point final et presque pas de virgule. Vous m'en aviez parlé à la bibliothèque, vous ne vous souvenez pas? Et comment que je m'en souvenais? Mais je n'avais guère envie de lui infliger ce que je considérais encore comme un fatras de vieux souvenirs. Des images dans le rétro qui partaient de l'enfance avec Colette pour aboutir aux nuits passées sous le carton, dans les rues de Paris. Déjà que nous deux, on se tirait la bourre comme chien et chat, je voulais pas en rajouter. Elle insista. Je cédais. Le lendemain matin, elle avait quitté l'appartement selon son habitude. Elle partait toujours très tôt, bien avant mon réveil, et je pense qu'elle ne devait pas dormir plus de 3 ou 4 heures par nuit. Quand elle revint le soir, un peu avant la gamelle, la première phrase qu'elle prononça me perça le cœur. « Votre histoire sans fin, je l'ai lue hier. C'est de la bouse. Hein, vraiment, bien sûr. Et n'importe qui penserait comme moi. Vous avez mis du noir partout, à grands traits de plume. Du noir, du noir, du noir. » Je tentais de me justifier. C'est que ma vie n'a jamais été bien rose, vous savez. Mais elle ne m'écoutait pas. Et puis c'est très mal écrit. Toutes ces phrases en verbe, la ponctuation en décalage, une virgule où il faudrait un point et l'inverse. C'est très important, la ponctuation. C'est la respiration d'un texte. Vous écrivez à la va comme je te parle, ajouta-t-elle presque en criant, et derrière cette phrase, on voyait très nettement un beau point d'exclamation qui me coupa le souffle. Je ne comprenais pas ce qui avait pu la mettre en colère ainsi, une colère disproportionnée. Je n'avais écrit que 7 ou 8 pages, un brouillon qui certes n'était pas d'une gaieté folle, mais personne n'aurait pu dire à ce stade ce que sera la suite, pas même moi. M'attaquer par le biais de l'écriture, je trouvais le procédé un peu faux-cul, blessant aussi, comme tout ce qui égratigne l'ego. Et dans le même temps, je savais qu'elle avait raison, que comparé à elle, dans le langage châtié coulait sans effort, j'étais en dessous de 2 têtes au moins. Pas moyen d'imiter, de lancer une contre-offensive, dire qu'elle parlait à la va comme je t'écris, non, pas moyen. Déjà nous vivions à l'ère du texto, où personne n'écrit plus comme parlait Madame Roberts. Je voudrais recopier ici pour l'exemple, mais je n'ai pas assez de matériel dans mon cartable. Que des longues phrases, en douceur, du côté de chez Proust pour le style, avec du présent, du passé, de l'imparfait, toujours en concordance. Et ça fleurait bon le romantisme désuet. Pas certain que nos immortels du Quai Conti aient pu rivaliser. J'ai senti qu'il y avait autre chose derrière cette grosse colère, sans comprendre quoi. Et la conversation dégénéra en une violente dispute, le ton, surtout le mien, monta haut et fort, puis plus rien, le silence, des tremblements dans tout le corps, une envie de gerber. Il y avait de la tension, partout. Elle était repartie en claquant la porte. Je suis resté 2 jours à trépigner capricieux. Saleté de souvenirs. Financièrement, c'était pas la débauche. on vivotait tant bien que mal sur ma maigre retraite. Il y avait toujours de quoi mastiquer, pas toujours de quoi boire, les Marlboros se fumaient trop vite, et il n'était plus question d'investir dans un terrain mais si palisson. Elle avait touché sa pension d'invalidité en début de mois, peu de temps après notre engueulade à propos de l'écriture et sa disparition pendant 2 jours. Elle revint sans prévenir, alourdie d'un gros coffret acheté le matin même, du matériel de peinture, le tout en un, des tubes de toutes les couleurs, des pinceaux de tout poil, une palette en bois rare, légère en pogne, un coffret avec une poignée, facile à transporter, surtout dans un appartement où les distances sont réduites au minimum syndical. Un coffret qui avait dû coûter la peau des fesses, et ce fut encore une occasion de s'étriper, de pousser la gueulante à 2 octaves. Et dans ce domaine, elle ne pouvait lutter. Manque de poumons. Alors elle compensait en projectiles de toutes sortes, avec une prédilection pour la cafetière électrique, lancée n'importe comment, sans viser, qu'elle allait se fracasser contre un mur et qu'elle ou moi rachetions le lendemain, parce que la cafetière électrique, c'était le truc le plus important de la carrée, celui qui nous réunissait à la trêve du matin. La cafetière aura beaucoup servi l'entente cordiale et encore plus la mésentente brutale. Madame Robert s'est dépensé son fric un peu moins vite qu'avant et ne se faisait plus rien voler. En conséquence, les placards se garnissaient d'objets bizarres et inutiles, des machins qui semblaient avoir été inventés pour sa pomme, pour satisfaire son appétit d'acheteuse compulsive, des objets qu'elle ignorait avec dédain une fois placardisés. Les achats intervenaient à tout instant, même en période de dèche, et c'est encore un mystère irrésolu. Le coffret de peinture, il l'a chauffé tout de suite, même pas le temps d'apprendre. Il n'y avait ni chevalet ni toile vierge. Alors elle a posé une grande feuille à dessin en équilibre sur le dossier d'une chaise, allumé toutes les lumières, et j'ai pris la pose, comme à l'atelier, les panards à 20 centimètres du sol. Devine, elle me regardait enfin, droit dans les yeux, la bouche pincée de concentration, le geste souple, gracieux, t'aurais dit Léonard face à Mona. Relevez un peu la tête, qu'elle m'a dit, et sans transition, il faudra penser à racheter une cafetière demain. N'est-il pas, monsieur Campagne? C'était une brève échappée de la concentration. T'avais pas loin à courir pour la rattraper. Il suffisait de suivre les odeurs d'arabica. À minuit, le tableau était achevé. Elle se recula un peu pour le regarder, retoucha quelques détails, puis elle rangea tout le matériel dans le coffret qui allait rejoindre ses prédécesseurs au placard. À cet instant, je regarde le tableau. Il n'est pas très grand, 30/50. Il est accroché au mur, ou plutôt il est punaisé. Nous sommes loin de Léonard, plus près de Munch. Je ne me reconnais pas du tout. Le visage est déformé comme écartelé, à faire peur. Mais ce n'est pas de la caricature, plutôt une sorte de radiographie de la tête qui dénonce l'intérieur et farfouille et trépane. Dans le regard défilent 15 années de bitume à Paris, ajoutées à bien d'autres saloperies. La bouche est tordue en rictus. Elle crie à la fois mon amour pour Madame Roberts et peut-être ma souffrance d'en être bientôt séparée. Une bouche laide, laide, une bouche qui hurle avant d'avoir mal. Effrayant de ressemblance, le tableau. N'empêche, il sera jamais un bon portrait robot pour la police judiciaire. Je l'ai punaisé un peu au-dessus de la table d'écriture, comme un avis de recherche. Impossible d'y échapper. Parfois, je lui parle. Je ne suis pas tendre avec lui, t'inquiète. Sans tomber dans les reproches, je lui dis quand même ces 4 vérités à l'affreux. Parce que dans les bastons d'avant le portrait et dans celles d'après, il était de la partie, le connard. Et il n'hésitait jamais longtemps à en remettre une couche s'il fallait. Maintenant, il moufte rien. Je ne serais pas contre lui envoyer une cafetière électrique dans la gueule, mais plus les moyens. J'écris lentement, quelques lignes par jour, et chaque fois que j'essaie de bifurquer, le portrait me met dans le droit chemin, d'un seul regard.